Analyse du 20 février 2023 par Thierry Pirlot, Sherpa One. La vérité sur Nord Stream en trois étapes. Point numéro 1. Les USA, côté Deep State, avaient bien l'intention de saboter réellement Nord Stream depuis très longtemps. Bien sûr, ils auraient exécuté ce plan sans aucun problème s'ils avaient toujours été à la manœuvre, ce qui n'est plus le cas. Dans cette version de l'histoire, Nord Stream 1 et 2 auraient alors été détruits de manière irrémédiable, ce qui est loin d'être le cas. Point numéro 2. L'alliance aux commandes du narratif est derrière ce sabotage avec l'aide de Poutine. Une destruction tout ce qu'il y a de contrôlé, qui permet non seulement d'accuser les USA de Biden, mais aussi d'être en mesure techniquement de refaire fonctionner Nord Stream 2 et prochainement Nord Stream 1, lorsque l'opération spéciale sera terminée et acceptée par les Européens. Point numéro 3. L'Alliance concentre tous les faisceaux de présomption vers l'administration Biden, dans le but de réveiller le monde sur les actions préméditées de ces sociopathes du Nouvel Ordre Mondial, qui à cette heure sont totalement sous contrôle. Pour notre plus grand bonheur, et pour le bon déroulement du scénario de l'Alliance. Alors oui, Seymour Hersh ne s'est jamais trompé dans ses analyses très pointilleuses, et on peut même dire que dans un sens, il avait vu juste. En tout cas, il avait raison concernant sa vision mondialiste du projet du nouvel ordre mondial aux USA sur ses 30 dernières années. Sauf qu'il n'a pas pris en compte l'existence d'une alliance militaire. À moins qu'il ne travaille lui aussi pour l'Alliance. Petite précision qui, à mon avis, échappe à la plupart des gens. Posez-vous la question. À qui profitent les crimes de Nord Stream et de la guerre en Ukraine? Qui paie le gros de l'addition? Les géopoliticiens de plateau font une grosse erreur en parlant des USA de Biden comme d'une entité entière et autonome. Pour rappel, et pour ceux qui l'auraient oublié, il y a eu des fraudes lors des élections aux USA en 2020. Elles ont eu lieu par le biais des machines Dominion, depuis des pays tiers appartenant à l'OTAN et amis des USA, et ce avec l'aval des démons démocrates et du Parti communiste chinois dans le but de stopper le mandat de Trump et le plan de l'Alliance. Cette fraude est de facto considérée par l'administration Trump comme un acte de guerre, ni plus ni moins, intenté par des pays se disant amis. Les Obama et les Clinton ont donc déjà été condamnés pour haute trahison et probablement exécutés. Nous sommes en 2023 et l'Amérique est dirigée par l'armée de l'Alliance et la corporation de Washington DC, par un sosie de Biden, le vrai ayant été exécuté. Il obéit aux ordres de cette alliance qu'il l'utilise pour donner le change dans la compréhension d'événements passés et dans un but de grand réveil. Cette guerre en Ukraine aurait pu être pliée en moins d'un mois. Et elle l'est déjà sans doute en coulisses. Mais les USA de Trump ont un compte à régler avec ces pays européens, soi-disant alliés, qui l'ont attaqué il y a près de 3 ans. Pour n'en citer que deux dans lesquels de nombreuses bases de la CIA ont allègrement participé à l'opération Dominion, nous retrouvons en premier l'Allemagne de Merkel, puis la France de Macron. Ces deux pays payent très cher actuellement l'addition de ces psyops avec la pseudo-guerre en Ukraine et la vraie fausse destruction des Nord Stream. Le prix du gaz a explosé, bien que ces deux pays aient généreusement contribué au financement des Nord Stream. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont trahi les USA du capitaine Donald. À cette heure, la Russie avec son gaz et les USA avec leur pétrole de schiste s'en mettent plein les poches, et cela depuis le début du conflit. Ainsi, l'Europe enrichit les USA et paie la guerre de Poutine en perdant des plumes au passage. La guerre en Ukraine perdure pour le maintien du narratif. Le but est de provoquer l'affaiblissement délibéré de l'Europe, surtout de la France et de l'Allemagne, afin de s'assurer de son désarmement complet. Par la suite, et grâce aux USA de Trump, Trump le retour, il sera reconstitué par l'achat massif de nouveaux armements américains, comme ce fut le cas pour l'Arabie Saoudite en 2017, lorsque Trump est rentré à la maison avec le plus gros contrat d'armement de l'humanité, signé par des tchèques saoudiens en blanc et dépités, victimes du chantage de l'oncle Donald. En fait, les Français et les Allemands sont à cette heure les cons du nid de cons de Vlad et de Donald. Ces deux-là doivent bien se fendre la gueule en visio. Un croissant français à la main, travaillant de concert pour une alliance qui fait payer cher aux traîtres qui nous dirigent, leur forfaiture aux ordres des mondialistes de l'époque. Pampan cucu et vlan. Alors à qui profite le crime? Toute cette histoire profite à Poutine et à Trump, bien sûr. Même si ce dernier n'est plus actuellement aux affaires. Et plus généralement à l'alliance militaire à la tête des USA depuis novembre 2020. D'ailleurs, cette alliance assoit de plus en plus son emprise et son pouvoir. Et très bientôt, on verra se mettre en place une nouvelle configuration multipolaire appelée BRICS, dont l'avènement est inéluctable et que l'ancien monde transhumaniste de l'état profond n'a plus aucune chance de stopper dorénavant. The best is yet to come. Sherpa One.